Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Luce Guilbeault, l'art d'être femme sur scène et à l'écran. C'est une comédienne qui se tenait très, sur la crête de la vague de son métier pour savoir qu'est-ce que c'est qu'être un acteur ou une actrice et dans la subtilité, trouver son espace de liberté et tout ça. C'est pas quelqu'un qui se met devant le personnage, c'est quelqu'un qui l'investit de l'intérieur avec toute sa liberté. Le critique de théâtre Robert Lévesque, dans le documentaire Luce Guilbeault, exploratrice, réalisé en 2000 par Marcel Jean, Luce Guilbeault a fait partie de ces comédiennes et de ces actrices qui acceptent de se mettre entièrement au service de leur personnage, avec tout ce que cela veut dire de qualité et de défaut. Et c'est dans la peau des femmes que va se glisser Luce Guilbeault tout au cours de sa carrière, des femmes de toutes sortes et dans tous leurs états. Elle habitait à New York. Je me suis dit qu'elle est arrivée de New York avec une Volvo, avec des plaques de l'État de New York. Et puis là, je l'ai rencontrée, puis j'ai dit, écoutez, voici mon scénario. Est-ce que vous accepteriez de jouer dedans? Alors, mon problème, c'était pas du tout si c'était la bonne comédienne, si elle correspondait au personnage ou quoi que ce soit. Je cherchais juste désespérément quelqu'un qui accepte de jouer dans mon film. Et elle l'a accepté. Écoute, la grosse! Hey, traitez-moi pas de grosse, c'est vous, là! Votre femme était plus grosse que moi! Ma femme, grosse! Elle était grosse, elle était riche! Là, j'ai découvert quelqu'un d'une générosité absolument sans borne. Et quand je dis générosité, c'est une générosité de comédienne. C'est-à-dire que mon personnage était un personnage sale, repoussant, dégoûtant. Et très souvent, les femmes en particulier, les hommes aussi, mais les femmes aussi ne veulent pas jouer ces personnages là où elles essaient d'y mettre des freins ou quand même de paraître belle à l'écran ou de se soucier de ça. Alors qu'elle se souciait de rien, elle se souciait du film. Elle me disait, bon, on fait ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je mange plus de gomme? Veux-tu que je crache par terre? Qu'est-ce qu'on fait là, comme film? Et c'était ça son souci premier. Et ça a été une aventure merveilleuse. Le réalisateur Denis Arcand, dans le documentaire de Marcel Jean, Luce Guilbeault, exploratrice. Pour nous parler de la carrière de Luce Guilbeault, je reçois Alexandre Cadieux, qui est chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal et à l'Université d'Ottawa également. Alexandre Cadieux, bonjour. Bonjour, Jacques. Qu'est-ce qui, pour vous, Alexandre Cadieux, caractérise le mieux ce parcours, le parcours de Luce Guilbeault? Bien, on l'a bien entendu, autant avec Denis Arcand qu'avec Robert Lévesque dans les extraits. Je pense que c'est cette curiosité-là, cette voracité-là qui fait qu'elle était prête à s'embarquer dans toutes les aventures qui lui semblaient intéressantes, sans retenue. C'était pas une diva. Elle se plongeait dans des rôles que d'autres ont pu peut-être juger ingrats, vulgaires. Je pense qu'elle avait pas de retenue. Donc, il y a cette curiosité-là artistique. Curiosité aussi intellectuelle, elle va beaucoup réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire être une femme, être une mère, être une artiste au Québec, en Occident, à la fin des années 60 et dans les années 70. Donc, il y a aussi ça qui marque son parcours. Donc, exploratrice, pour reprendre le titre du documentaire, mais de la condition féminine, de ce que ça veut dire être une femme, en fait. Tout à fait. Donc, de sortir des clichés et de tout montrer les possibles de la femme, et ce, sans retenue. Ouais. Dans les notes que vous nous avez envoyées, Alexandre Cadieux, vous parlez de Luce Guilbeault comme d'une femme provocante. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je pense qu'on, pour ce qui est de la personne elle-même, on comprend un petit peu avec les propos qu'on vient de tenir. Je parle surtout de ses rôles, de ses personnages. Pour moi, elle est provocante au sens, sensuel du terme. C'est la tentatrice, c'est la séductrice. Je pense à son rôle dans « Des souris et des hommes », par exemple, hein, avec Jacques Godin. Elle est la femme de Curly, donc c'est l'intrigante un peu. Mais Luce Guilbeault va jouer aussi les provocantes au sens où elle incarne ces femmes dont la parole dérange. C'est le grain de sable dans l'engrenage. C'est celle qu'on veut faire taire parce qu'elle dit tout haut ce que d'autres ne veulent pas entendre. Et peut-être que le meilleur exemple, on entendait Denis Arcand, c'est Réjane Padovani, qui est une femme qu'on veut à ce point faire taire qu'on va finir par l'assassiner. Fait qu'il y a ces deux provocantes-là en Luce Guilbeault. Ouais. La carrière de Luce Guilbeault, puis vous allez me dire tout de suite pourquoi, parce que c'est assez intriguant quand on revient sur son parcours. C'est une carrière qui commence tard, en fait, qui met du temps à démarrer. C'est quoi, dans la trentaine, qu'elle va se voir confier des rôles importants? Pourquoi cette carrière tardive? Ben, les parcours de vie sont tous différents. Dans le cas de Luce Guilbeault, Luce Guilbeault est née dans la bourgeoisie d'Outremont. Son père est médecin, un pédiatre important à Montréal. Mais elle se marie très jeune. À 20 ans, elle est mariée. À 21 ans, elle est déjà mère d'un petit garçon. Et elle va se remarier très rapidement avec quelqu'un qui a aussi déjà des enfants. Donc, à 25 ans, elle a déjà 3 enfants à sa charge, disons, et son mari, qui est traducteur à l'Organisation des Nations Unies à New York, fait qu'elle va partager sa vie entre Montréal et New York. Alors, des enfants et des constants va-et-vient entre deux villes fait que sa carrière prend un peu de temps à démarrer. Elle a des petits rôles à la télévision, mais on ne la verra pas, par exemple, dans les grands théâtres avant le milieu des années 60, donc à ce moment-là, elle a 30 ans. Mais elle va quand même profiter de sa vie à New York pour se former dans des écoles de jeux à l'américaine. Et elle va aussi rencontrer là Delphine Seyrig, la grande actrice française, avec qui elle va avoir une amitié pendant toute sa vie. Et puis, école célèbre, disiez-vous, quand même, ça vaut la peine. Bon, elle va explorer un peu la méthode de Stanislavski, bien connue au théâtre, mais elle va aussi fréquenter l'Actors Studio, entre autres choses. Oui, elle va toucher là à des sphères d'influence, à des cultures théâtrales et cinématographiques qui ne sont pas encore très implantées au Québec. Et elle va beaucoup s'intéresser au théâtre d'avant-garde new-yorkais. Et c'est là qu'elle va voir, entre autres, ses premières expériences de création collective, qui est aussi un moyen d'expression qu'elle va ramener à Montréal, entre autres quand elle revient s'y rétablir à la fin des années 60. Ouais. Et puis à la fin des années 60, justement, à Montréal, c'est avec la création des Belles-Sœurs de Michel Tremblay qu'elle se fait connaître. D'ailleurs, elle va devenir l'une des principales interprètes du théâtre de Tremblay dans les années 60-70. Et puis elle va apparaître dans les adaptations qui seront faites de cet univers de Tremblay au cinéma, dont le film Françoise Durocher, Waitress, réalisé par André Brassard en 1972. Oh, ça y est! On n'avait pas eu droit à ça aujourd'hui, au coup de soleil. Eh bien, le v'là. As-tu apporté ta crème eczéma, Aunt Jemima? Hey! Veux-tu arrêter de m'appeler de même, toi? Non. T'es jaloux, hein? T'es jalouse parce que je suis bronzée. T'es jalouse parce que je suis allée en Floride, puis que toi, t'avais même pas les moyens de sortir de Montréal. Ben, bois donc un peu moins de choses. Peut-être que tu vas pouvoir t'en payer des vacances. Je bois peut-être, mais je fourre pas avec 99,9% des clients qui viennent ici. Je me fais pas entretenir par 3 hommes à la fois, puis je paye mes voyages. Je suis peut-être une guidoune, mais je suis une guidoune qui se donne. Deux coques de 7-Up. Extrait du film de Brassard, d'André Brassard et Michel Tremblay, Françoise Durocher, Waitress. Tremblay, ça va vraiment être très, très important pour elle, pour le début de sa carrière à Montréal, le moment où vraiment on la découvre, Luce Guilbeault. Parlez-moi de l'importance, Alexandre Cadieux, qu'aura le théâtre de Tremblay pour elle. C'est capital, Jacques. Donc, les Belles-Sœurs sont créées en 68. C'est important pour elle, mais je pense aussi que c'est important pour Tremblay. Écoutez, en l'espace de 4 ans, Luce Guilbeault va créer sur la scène 3 des personnages féminins les plus importants dans l'œuvre de Michel Tremblay. Donc, d'abord, Pierrette Guérin dans Les Belles-Sœurs, qui est ce personnage de paria, qui est cette femme que les autres détestent parce qu'on dit qu'elle a une vie immorale, mais on la déteste surtout parce qu'elle est libre, parce qu'elle s'est libérée de ce carcan-là de ménagère du plateau Mont-Royal. Elle a refusé ça, c'est pour ça qu'on la déteste, on la jalouse dans le fond. En dedans d'un an, elle va jouer dans Pièces détachées où elle incarne la première présence de Thérèse. Thérèse, c'est la fille d'Albertine, donc dans toute l'œuvre de Tremblay. Et en 71, quand on va créer « À toi pour toujours, ta Marie-Lou » au Théâtre de 4 sous, elle est Carmen, future chanteuse country, future Sainte Carmen de la Maine. Donc, en dedans de 4 ans, elle est présente comme ça. Elle crée parmi les plus grands personnages du théâtre et plus tard des romans de Michel Tremblay. Donc, de beaux rôles avec Tremblay. Puis, évidemment, on entendait à l'instant un extrait de Françoise Durocher, Waitress. Elle sera aussi très, très présente au cinéma, entre autres au cinéma de Denis Arcand. C'est lui qui lance la carrière de Luce Guilbeault en lui offrant d'abord un rôle dans le film La maudite galette, puis dans Réjeanne Padovani. Vincent m'a donné carte blanche. Vincent a jamais donné carte blanche à personne. Je le connais. Vous me questionnez pour votre compte. Énerve-toi pas. Vous lui avez même pas parlé à Vincent. Vous lui avez même pas parlé. Vous lui avez même pas donné ma lettre. Y a-tu parlé ou bien tu pas parlé, réponds. Là, vous me parlez du décor physique, mais de l'atmosphère, de l'ambiance qui régnait au moment du tournage de ce film, et qui règne en général. Mmh. Est-ce que c'est très important? D'abord, est-ce que vous considérez que ça passe dans un film? On le sent en voyant le film, l'atmosphère du plateau. Sur le plateau, il y a une espèce de bonne humeur, de... Il choisit des gens extraordinaires, les éclairagistes, les régisseurs, tout le monde. Moi, il faut que je les séduise tous, quoi. Je veux dire, il faut qu'ils m'écoutent tous, parce qu'autrement, c'est un signe, c'est un signe. C'est un signe que c'est bon quand les gens du plateau sont attentifs à ce que je fais. Ils t'ont dit de me mettre dehors, c'est ça, oui? Je suis quand même allée toute seule. Je voulais juste parler à Vincent, 5 minutes. Je veux pas faire d'histoire, tu sais. Luce Guilbeault à l'émission d'Aline Desjardins, Femme d'aujourd'hui en 1973, puis on entendait un extrait de Réjeanne Padovani dans ce qu'on vient de vous présenter. Que dire de Luce Guilbeault, l'actrice de cinéma Alexandre Cadieux? Ben, avec Arcan, c'est majeur. Lui dit « J'ai trouvé mon actrice », elle trouve son réalisateur. Réjeanne Padovani, quand je parlais du grain de sable dans l'engrenage, Jacques, c'est exactement ça. Le film d'Arcan est très politique, hein, ça décrit un milieu politique qui est gangréné par la corruption. C'est les liens à la fois avec le patronat et le crime organisé. Et Réjeanne Padovani, c'est l'épouse qui risque de tout faire s'effondrer, ce système-là. Donc, c'est un rôle qui est marquant. Mais à cette époque-là, entre 70 et 73, disons, Luce Guilbeault, c'est la muse à l'ONF. Elle va tourner avec Mankiewicz dans Le temps d'une chasse. Elle va tourner dans Hockey la liberté. Elle joue dans X-13 avec les cyniques sous la direction de Jacques Godbout. C'est vraiment une immense période pour le cinéma québécois et elle est à l'avant-scène de ça. Oui. Et en fin de période, milieu des années 70, là, elle va tourner avec Anne-Claire Poirier qui va lui offrir d'autres types de rôles. Mais là, pendant 5 ans, elle va tourner plus d'une dizaine de longs-métrages. Mais avec l'indépendance de choisir ses rôles. Parce qu'il faut le rappeler, cette époque-là, c'est au Québec, au cinéma québécois, c'est aussi cette vague de comédies légères, de films, ce qu'on appelait les films de fait. Ça va résister à ça tout le temps. Oui, elle choisit ses aventures. On a parlé de ses rôles de provocante, de séductrice, mais toujours dans des univers qui sont assez chargés, dans des films qui ont un propos social ou politique. Donc, c'est pour ça qu'elle elle tourne beaucoup de films, mais elle réussit à se tenir loin de cette vague-là un peu plus populaire. Oui. Donc, très présente au cinéma, évidemment aussi très présente sur scène, au théâtre, dans ces mêmes années. Là, ce sont pour elle de grandes années, là, les années 70. Tout à fait. Donc, en plus de tourner régulièrement des longs-métrages, elle joue au Théâtre du Nouveau Monde, par exemple. Elle va jouer dans une grande production de Uberoi de Jarry avec Marcel Sabourin. Donc, ils font les deux époux. Sabourin qui a longtemps été son partenaire à la scène, hein, comédien avec qui elle a beaucoup joué. Elle va créer, toujours au TNM, Les Oranges sont vertes de Claude Gauvreau, quand même. C'est une pièce marquante de cette époque-là. Et même si elle joue sur une grande scène institutionnelle comme ça, elle va aussi accepter des invitations. Par exemple, en 1973 encore, elle va se joindre au Grand Cirque Ordinaire, qui est une troupe de création collective, dont les deux comédiennes, Paul Baillargeon et Suzanne Garceau, vont créer avec elle une pièce qui s'appelle « Un prince, mon jour viendra ». On voit l'inversion. Et c'est la première création collective féministe au Québec. Alors, elle est aussi de cette aventure-là en parallèle. Et cet engagement féministe, d'ailleurs, il va être au cœur de sa réalité d'artiste. Il va prendre différentes formes. Au cinéma, elle va réaliser elle-même des films dans les années 70 qui vont justement toucher à cette dimension féministe. Puis bon, au théâtre aussi, le féminisme sera présent. Parlez-moi de ça, de cette dimension, de la forme que prendra son engagement féministe. Ben, il y a des grands dialogues dans sa vie. On a parlé de Delphine Seyrig, qui est aussi quelqu'un qui était une féministe convaincue. Avec Anne-Claire Poirier, c'est la même chose. Et c'est Anne-Claire Poirier qui va peut-être un peu lui donner le goût de réaliser. Elle va réaliser notamment un documentaire qui s'appelle « Quelques féministes américaines » sur lequel elle travaille, entre autres, avec Nicole Brossard. Et elles interviewent toutes les deux de grandes féministes, de grandes autrices, de grandes penseuses américaines de l'époque qu'elles font un peu découvrir au Québec. À la même époque, elle va agir comme leader sur un autre grand spectacle féministe québécois des années 70. C'est La Nef des sorcières qu'on va monter encore au Théâtre du Nouveau Monde et qui réunit des grands noms, Marie-Claire Blais, Paul Pelletier, Nicole Brossard encore, France Théoret. Et elle va agir comme metteur en scène et elle va écrire un monologue aussi qu'elle va jouer elle-même. Donc, c'est vraiment un moment charnière dans sa carrière. Et plus tard, elle va aussi retrouver Paul Pelletier au Théâtre expérimental des femmes, joué notamment dans un spectacle qui s'appelle « La terre est trop courte, Violette le Duc » de Jovette Marchessault. Donc, cet engagement-là, il est social et il est aussi artistique. Et cette voix féministe, bon, elle est présente sur scène, elle est préoccupée, vous disiez, ses amitiés avec Delphine Seyrig, ça fait partie de sa vie. Je suis curieux de vous entendre. Est-ce qu'elle le porte aussi au quotidien, en entrevue, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui la suit où qu'elle soit, ou si c'est plutôt une préoccupation qu'elle exprime de manière très réfléchie dans un rôle qu'elle incarne au théâtre ou dans un documentaire qu'elle fait avec des féministes américaines? J'ai l'impression que c'est un féminisme qui est incarné dans des œuvres. Je ne la vois pas, ou en tout cas, je n'ai pas de traces de Luce Guilbeault comme une féministe de combat, par exemple, qui va sur les tribunes défendre ces choses-là. Je pense que c'est encore là ce côté curieux-là qui se questionne, mais et qui va découvrir des choses, qui va nommer un certain nombre de choses. Quand elle travaille avec Anne-Claire Poirier, notamment, Anne-Claire Poirier lui dit « Ben, tu as joué la séductrice, moi je vais te faire jouer la mère de famille », qui est un rôle qu'elle jouait dans la vie, hein, on l'a dit. Ouais. Et elle va explorer ça. Donc là, elle a 40 ans, elle va explorer ça, mais on est toujours dans cette sorte d'humilité de la chercheuse, de la découvreuse, peut-être plus que dans un féminisme plus engagé, plus militant. Ouais. Et puis, cette féministe va rencontrer une autre, cette actrice féministe va rencontrer une autre féministe, Lise Payette, et ça va donner à la télé, avec tout ce que ça veut dire, cette série qui est devenue culte, des Dames de cœur. Là, on est dans un univers, une plume féministe, mais qui nous montre comment cette société, à quel point cette société québécoise du temps reste au fond très conventionnelle. Que je t'ai fait, tiens? Rien. C'est comme le pantalon que t'as sur le dos. Ça fait depuis combien d'années que t'as ça? Mais j'arrête pas de t'acheter des choses plus jolies, à la mode. T'as toujours l'air d'une quêteuse. Je suis bien comme ça. Et tu penses que ça nous fait honneur à ton père et à moi? Qu'est-ce que les gens doivent dire quand ils vont entrer ici? Ça m'est vraiment égal. Oh, ben, si t'as pas d'orgueil, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, hein? J'ai du travail à faire. Donc, Luce Guilbeault va faire partie, Alexandre Cadieux, de la distribution de cette très populaire série, de ce très populaire téléroman de Lise Payette, des Dames de cœur. Ça, c'est quoi, le milieu des années 80? C'est par la télé qu'elle va se faire connaître du très grand nombre, du plus grand nombre. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, la télé, son travail avec Lise Payette? Comment elle va vivre cette popularité que va lui donner la télé? Ben, les gens qui la côtoyaient à l'époque ont dit que ça l'a rendue quand même très heureuse. Elle aimait l'exploration. Elle s'est investie dans toutes ces aventures-là. Mais ce succès-là, parce que les Dames de cœur, Jacques, on parle de plusieurs millions de codes d'écoute dans les grandes années. Ouais. On la reconnaissait dans la rue. Mon Dieu, c'est Claire Trudel, la Dame de cœur. Et apparemment que ça la flattait et elle était très émue de ça. Et en même temps, même si là, on est dans un format un peu plus populaire, ben, Lise Payette abordait ces questions-là de qu'est-ce qu'être une femme de 45-50 ans sur le plan conjugal, sur le plan professionnel, quels sont les questionnements de ces femmes qui vieillissent. On était encore dans ce type de questions-là. Et ça a été énorme. Donc après, donc, Dame de cœur, elle jouait avec Michel Rossignol. Elle jouait avec, évidemment, Gilbert Sicotte, hein, le beau Jean-Paul Belleau. Juste entendre le thème musical, on s'en souvient, hein, alors que ouais. ça fait plus de 30 ans. Donc elle était vraiment heureuse à ce qu'on dit. Et c'était en même temps très cohérent avec tout ce qu'elle avait fait avant. Ouais. Et puis, il y a aussi, en matière de cohérence, ça me frappe, mais autant, il y a des figures, des collaborations avec des artistes qui vont être déterminantes, Arcan au cinéma, Tremblay au théâtre, Lise Payette, la télé, ça va passer parce qu'il n'y aura pas que des dames de cœur. Là aussi, il y a une rencontre entre une autrice et une actrice. Tout à fait. Je pense que c'est des gens qui, peut-être, sans le savoir, lui ont offert des rôles qui lui permettaient d'explorer exactement les questions qu'elle se posait par rapport à sa propre vie, par rapport à son propre regard sur la société, et que tout ça arrivait toujours au bon moment. Et donc, ces collaborations-là, très fertiles, ces rencontres-là, je pense qu'elles tiennent entre autres à ça, d'avoir pu lui offrir cette opportunité-là de concilier ses questionnements à la fois personnels et sociaux à travers des œuvres artistiques. Avec, pour ce qui est encore une fois de Lise Payette, des Dames de Corps, mais aussi Un signe de feu. En terminant, Alexandre Cadieux, qu'est-ce qui reste de cette femme qui a été vraiment marquante dans son engagement féministe, dans la place qu'elle a occupée, dans la façon dont elle a incarné les femmes? Je reviens à ce que je disais au tout début de l'émission, mais toutes sortes de femmes dans tous leurs états. Quel souvenir garde-t-on d'elle aujourd'hui? Ouais. Mais Jacques, Luce Guilbeault, on l'a perdue alors qu'elle est encore très jeune. Hein. Elle est morte en 1991. Elle a à peine 56 ans, donc c'est un cancer assez fulgurant qui l'a emportée. Qu'est-ce qu'elle nous laisse? Pour le cinéma, en tout cas, au rendez-vous du cinéma québécois pendant plusieurs années, il y a eu un prix, Luce Guilbeault, pour la découverte de l'année, le jeune espoir, le jeune comédien ou la jeune comédienne. On a ce documentaire de Marcel Jean, exploratrice, qui est très beau. On a récemment, son fils a publié un ouvrage de photographie que son premier mari, Guy Bormans, avait réalisé d'elle, ce qui sont des photographies absolument magnifiques. Mais je pense que peut-être le plus bel héritage de Luce Guilbeault, c'est peut-être cet archétype-là pour les actrices québécoises de trouver un équilibre entre des productions grand public, mais aussi un courage, une témérité à s'embarquer dans des aventures qui sont risquées. Mmh. Je pense à des comédiennes comme Sophie Cadieux, par exemple, Monia Chokri, Christine Beaulieu. Je nomme celles-là, mais il y en a plusieurs qui sont des filles qui peuvent très bien avoir des rôles à la télévision, par exemple, mais qui, au théâtre ou au cinéma, vont prendre des risques. Ouais. Et ça, je pense que c'est peut-être l'héritage un peu inconscient d'une précurseur comme Luce Guilbeault. Alexandre Cadieux, chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal et au département de théâtre de l'Université d'Ottawa, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Merci. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.